Et ben voilà, c'est l'occasion de faire une petite dédicace à tous les gens que j'aime et l'occasion de dire à mon fils aussi que je l'aime beaucoup, mon fils Wally, mon fils Yanis, une dédicace à tous, à ma mère, à mon père, à ma sœur, à toute la famille, la voisine, la tante, la cousine, tout ça quoi, voilà. Yes, alors le morceau il est un petit peu parti pendant que je parlais. On le pull up massive. Yes, I pull up, remets-moi ça man que je me mette dedans. Yes, I. Oh, do you know what I'm looking for? Oh, do you know what I'm looking for, man? I'm looking for peace all around the world. I'm looking for freedom all around the world. I'm looking for love all around the world. I'm looking for justice. Que notre guitariste s'est cassé la main et qu'il nous manque du coup. Nous on est là man et on souhaite que tu seras bientôt avec nous. I'm looking for peace all around the world. I'm looking for freedom all around the world. I'm looking for we want peace. Yes, we want freedom. Oh Lord, we want your love. And we want your justice. Cause we want peace. Yes, we want freedom. Oh Lord, we want your love. And we want your justice. Yes, we want freedom. All of you want your justice. Justice.